France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Voilà ce que c'est de passer une après-midi avec Nathalie Dessay en répétition pendant les répétitions de Passion, la prochaine comédie musicale de Stephen Sondheim présentée au Châtelet. Voilà, j'ai confondu Nathalie Piolet et Nathalie Dessay, mais vous retrouverez Nathalie Dessay la semaine prochaine sur 42e rue et Nathalie Piolet dimanche prochain à 10h. Bonjour à tous. C'est l'un des grands compositeurs de Broadway, ses œuvres Cabaret, Chicago compte parmi les comédies musicales les plus célèbres, sans oublier bien sûr sa chanson popularisée par Frank Sinatra, New York, New York. Et à 88 ans, John Kander continue de composer. Il vient aussi d'ouvrir ses archives. Et dans un double CD paru à l'automne chez Harbinger Records, il nous permet de rentrer dans son atelier et d'écouter des maquettes, des documents de travail. Le CD s'intitule « Les trésors cachés » de John Kander. Et ce matin, nous allons nous promener à travers cette carrière musicale comme une petite souris, en découvrant par exemple des chansons qui n'ont pas vu le jour ou qui, à force de travail, sont devenues tout autres. Avec par exemple le tout premier enregistrement d'une chanson que vous connaissez par cœur. Une chanson extraite de Cabaret, vous savez, cette comédie musicale qui se déroule en Allemagne entre les deux guerres mondiales, alors que le nazisme se fait de plus en plus étouffant. Une chanson en plein milieu de laquelle l'héroïne Sally Bowles, chanteuse de Cabaret, décide de sa vie et de son avenir. En plein milieu de la chanson, elle décide qu'elle va quitter l'homme américain qu'elle aime et avorter. La maquette est enregistrée par Fred Ebb, qui interprète Sally Bowles. John Kander est au piano. What good is sitting alone in a room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down your knitting, your book and your broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow a horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes of too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day, and I remember how she turned to me and say, what good is sitting alone in a room? come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down your knitting, your book and your broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, isn't that long a stay? And life is a cabaret, old chum. Miss Elliot, you've heard the charges against you. Have you made up your mind about any of these things? No, I haven't. Do you intend to? I don't know. Can you give this court any reasonable explanation as to why you cannot make up your mind? Yes, I can. There once was a girl named Jenny, whose virtues were varied and many, excepting that she was inclined always to make up her mind. And Jenny points a moral with which one cannot quarrel, as you will find. Who's Jenny? Never heard of Jenny. Jenny is out of place. But I am sure the court'll find Jenny is immortal and has a bearing on this case. Jenny made her mind up when she was three. She herself was going to trim the Christmas tree. Christmas Eve she lit the candles, tossed the tapers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost one dad and mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Jenny made her mind up at 22. To get herself a husband was the thing to do. She got herself all dolled up in her satins and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. He served a bed of roses, but history discloses that she would make up her mind. Jenny made her mind up at 39. She would take a trip to the Argentine. She was only on vacation, but the Latins agree. Jenny was the one who started the good neighbor policy. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Oh, passion does not vanish in Portuguese or Spanish, and she would make up her mind. Jenny made her mind up at 75. She would live to be the oldest woman alive. But gin and rum and destiny play funny tricks, and poor Jenny kicked the bucket at 76. Jenny points a moral with which you cannot quarrel, makes a lot of common sense. Jenny and her saga prove that you are gaga if you don't keep sitting on the fence. Jenny and the story point the way to glory to all men and womankind. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up, you shouldn't make up, you mustn't make up, or never make up. Anyone L'Otolenia, la chanson de Jenny, extraite de la comédie musicale de Kurt Weill, Lady in the Dark, l'Otolenia, qui faisait partie de la distribution de Cabaret à sa création en 1966. La comédie musicale dont les chansons sont signées John Kender et Fred Ebb. Avant de partir à la découverte de cet album de pépites d'enregistrement secret de John Kender, je vous propose une nouveauté à l'affiche à Broadway. C'est le retour de la couleur pourpre. La comédie musicale inspirée du film de Steven Spielberg et aussi du livre d'Alice Walker. Le spectacle avait été créé une première fois à Broadway, c'était en 2005, sous l'impulsion de la productrice et animatrice de télé Oprah Winfrey, avec une musique confiée à plusieurs jeunes compositeurs, une musique qui oscille entre blues, gospel et soul. Et bien pour son retour, 10 ans plus tard, on a fait appel à un metteur en scène réputé pour son travail épuré, John Doyle. Juste quelques chaises pour décor, quelques accessoires et pour le reste, tout tient dans la direction d'acteur et la force du propos autour de cette fille noire en Géorgie, à la campagne, abusée par son père et son destin compliqué. Cette nouvelle production a d'abord été créée, à vrai dire, l'an dernier à Londres, dans une petite salle, la Chocolat Meunier Factory, nous vous en avions parlé. Et bien à New York, on retrouve la même actrice principale impressionnante, Cynthia Erivo, qui a fréquenté la Royal Academy of Dramatic Art au Royaume-Uni. Ça donne un spectacle poignant, mais j'ai choisi pour ce matin le moment le plus joyeux de l'œuvre, lorsque la jeune fille mariée revient de la ville avec ses pantalons. Dear Nettie, I went back home to Georgia. The house wasn't too bad, but the stove was a dusty mess. I fixed it up though, and now I'm making pants for anybody that wants them. I changed the cloth, I changed the waist, I changed the print, I changed the pocket. Only thing I can't do is quit making them. A needle and a spool of thread. Got about a million patterns in my head. All the ladies' legs are gonna love to dance when they in Miss Seatley's pants. Gabardine, velveteen, satin or lace. Buttons and bows all over the place. Styles that make you feel like a queen. That woman's a whiz with the sewing machine. Who dat say, who dat say, who dat, who dat say, who dat say, who dat say, what you say. You swept out the memories, filled this place with joy. In this big old store, got your sewing machine, mirror shiny clean, and a fitting room smell like sweet perfume. That man might have done you. Look, are you looking? We all looking, honey. Look who's wearing the pants. No. Five, six, seven, eight. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, head of the list, cream of the crop at the top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through, New York, New Le thème du film New York, New York, peut-être la chanson la plus connue de John Kander, interprétée par les deux auteurs en 1984. Fred Ebb chantait, John Kander jouait au piano. Et voici pour débuter l'un des bijoux de ce double CD publié chez Harbinger Records, Les trésors cachés de John Kander, que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue. Eh bien, voici la première version de cette chanson. New York, New York n'avait pas du tout cette tête-là, si je peux dire. Elle avait pourtant été validée par le réalisateur Martin Scorsese, par Liza Minnelli, vous savez, c'est pour le film New York, New York. Celui qui va la refuser, cette première version, c'est Robert De Niro. Il est censé interpréter dans le film un saxophoniste qui écrit une chanson qui devient un succès de jazz et qui devient, selon le script, un tube grâce à une chanteuse de nightclub interprétée dans le film par Liza Minnelli. Eh bien, De Niro dit frontalement à Fred Ebb et John Kander qu'ils trouvent cette première version trop légère. Alors les paroles sont toujours une ode à la ville qui ne dort jamais, mais c'est vrai que De Niro n'avait pas tort. New York, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York. They always say it's a nice place to visit, but I wouldn't want to live there. New York. They always say it's a nice place to sightsee, but I wouldn't want to live there. New York. Of course I do like a do on Park Avenue, or to view a canoe at the Central Park Zoo, or stare at the glare of the Broadway lights, or go to Madison Square to catch the fights. Well, they can all pack a comb, hurry home, but me, I like the life I live there. New York, and they New can York. All take the train back to Maine, but me, I live the life I like there. For the Bowery bums, the plaza, the slums, the automat and the stork, I love New York, New York. I live there. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. I live the life I like there. From the 5 a.m. crash of collecting the trash to the pop of a champagne cork. I love New York, New York. Et on est tous d'accord avec Robert De Niro. Voilà, cette toute première version de la chanson New York, New York pour le film était un petit peu plus légère que celle dont accouchera un tout petit peu plus tard John Kander. John Kander, Fred Ebb, ces deux noms ont été associés sur les affiches de Broadway pour 14 spectacles. Cabaret, Chicago, Le baiser de la femme araignée, Zorba le grec, Woman of the Year, c'était pour Lauren Bacall, Flora, The Red Menace, ce qui lance la carrière de Liza Minnelli. Alors dans ce duo, Fred Ebb écrivait les paroles, il est décédé il y a 12 ans, et John Kander est le compositeur, il a aujourd'hui 88 ans. On reconnaît ses mélodies à ses introductions en forme de vamp, hein, à un passage simple, court, répété à plusieurs reprises avant que l'interprète ne chante le premier couplet. John Kander, dont les mélodies sont tour à tour joyeuses, mélancoliques, entraînantes ou ironiques. John Kander qui a appris la musique très sérieusement, notamment à la prestigieuse université Oberlin. Il apprend la composition, la théorie, le piano, si sérieusement qu'il hésitera entre faire carrière dans le classique ou à Broadway. Et le don de la musique, on découvre dans cet album de trésor qui est paru chez Harbinger Records, qui vient de son père. John Kander avait le droit de travailler son piano lorsque son père lisait le journal. Et à 12 ans, son père lui promet qu'il lui offrira, si John apprend à jouer au piano, la Rhapsody in Blue de Gershwin, n'importe quel disque d'opéra. John Kander choisira à 12 ans la fiancée vendue de Smetana. John Kander, qui encore aujourd'hui habite à deux pas du Metropolitan Opera et ne rate jamais un seul opéra. Voici une de ses rares chansons autobiographiques. I get music from my dad. La musique, elle vient de mon père. Paroles et musique, John Kander, interprété par Michael Winter. Une chanson, vous l'entendrez, à la tonalité toute schubertienne. I get my manners from my mother. I get my good looks from my grandma's brother. I'm a little like Aunt Lily, 'cause I'm silly and I'm sad. But I get my music from my dad. I've got a temper like Aunt Tessie. I'm like my sister, 'cause my bedroom's messy. I'm a bit like Cousin Barney, 'cause I'm bossy and I'm bad. But I get my music from my dad. Dad loved to sing after supper in the living room. I'd play piano and he'd sing. His voice was big and beautiful, it made a mighty boom. I owe my family my talents, my love of loving and my lack of balance. I've some gifts that make me happy and a few that make me sad. But I get my music from my dad. I get my music from my dad. John Kander, ce matin sur la grande affiche de la 42e rue. Alors, il s'intéresse, ce compositeur, très jeune au théâtre. Aussitôt qu'il arrive à l'université, notamment, il participe à une association théâtrale, joue lui-même sur scène, compose des petites scènes musicales qu'on découvre dans cet album qui vient de paraître. Et puis, il part à New York avec son ami de fac, James Goldman, en 51, étudie la composition à Columbia University et continue à hésiter, opéra, musique classique ou Broadway. Et le déclic, raconte-t-il, se produit lors d'une discussion avec son mentor à l'université, celui qui venait de recevoir le prix Pulitzer pour son opéra Giants in the Earth, Douglas Moore, qui lui déclare au cours d'une soirée arrosée « Si je devais recommencer à zéro, j'écrirais pour Broadway ». Alors voilà, Jeanne Kender, une fois sa thèse achevée, un opéra en un acte intitulé Da Capo, eh bien, se lance dans la comédie musicale. Alors, une adaptation de Intermezzo, de Jean Giraudoux, une suite à Robin des Bois, qui se déroule à Central Park, ou encore, c'est une découverte de cet album, Magic Cycle. C'est une histoire morale, l'histoire d'un jeune homme magicien qui rentre dans son village natal plein d'espoir, alors que le village est figé dans le conservatisme. Et déjà, Jeanne Kender a le don pour composer des valses. Il raconte que spontanément, ses doigts sur un piano ont une tendance à créer ce genre de mélodie. Voici une de ses toutes premières, Dance With Me, une maquette enregistrée par Jeanne Kender lui-même en 1956. Hear the music, fill the night, dance with me. Grab my hand and hold it tight, dance with me. Wave your arms and stamp your feet, loosen up the floor. Meet any girl you wanna meet, that's what a dance is for. Let the world go round and round, dance with me. We could fly right off the ground, dance with me. Feel as if I'm up in heaven, happy as can be. Since we're in each other's arms, won't you dance with me? Cet album, Les Trésors Cachés de Jeanne Kender, permet de découvrir les premières œuvres, rarement ou jamais entendues, du compositeur de Cabaret ou de Chicago, et aussi des œuvres qui n'ont jamais vu le jour. Par exemple, The Skin of Your Teeth, La Peau des Dents. C'est en 1999, d'après la pièce de théâtre de Thornton Wilder. L'histoire du monde récapitulée à travers une unique famille dont les membres représentent des archétypes. Une comédie musicale qui ne verra jamais le jour, puisque finalement les ayants droit retirons à Jeanne Kender et Fred Ebb l'autorisation d'adapter la pièce. Alors, restent les chansons. Je l'ai dit, les personnages sont des archétypes. Voici le personnage de la servante dans cette famille. Elle est à la fois la pipelette, la séductrice, la survivante et puis la muse du maître du foyer. Une chanson intitulée « Always Come Home to Me » interprétée par Linda Hammond. There were others, quite a few. Some were strangers, some I knew. But he always comes home to me. Late for dinner, quite a lot. Do I argue? I do not. For I wake in the morning and see he's lying there close to me. At home, I know you think I'm foolish. I ought to be more strong. Combat him, defy him, but I say you're wrong. I've children, a marriage, I do it all again. It's just an inconvenience he puts me through now and then. So I'm staying by his side. Couldn't move me if you tried. And my reason is simple to see. For no matter what he may do, with women as easy as you, he always comes home to me, and he'll always come home to me. Une chanson inédite de John Kander avec John Kander lui-même au piano. Ce matin, je vous propose d'écouter des maquettes de chansons de John Kander rassemblées dans un album intitulé John Kander Hidden Records, les trésors cachés de John Kander. Des maquettes qui donnent un aperçu sur son travail en coulisses et sur le travail en coulisses des compositeurs de comédies musicales. La radio publique américaine NPR a demandé à John Kander à quoi lui servaient ces maquettes. Écoutez sa réponse. Well, Fred and I, like most songwriters, eventually, if you're writing, if, when you're writing for a piece of theater, c'est ce que font tous les auteurs de chansons. Lorsque vous composez pour une comédie musicale, à la fin du processus, ou lorsque vous approchez de la fin du processus, pour vous-même, vous allez en studio et vous enregistrez une maquette. Généralement, ce qui me concerne, je joue au piano, Fred chante. Et parfois, je chante aussi. En fait, ça nous sert ensuite de référence. Mais je dois dire quand même que quand on est venu me voir avec l'idée de diffuser ces maquettes, j'étais vraiment effrayé. C'est comme si les auditeurs allaient voyager dans le tiroir de vos sous-vêtements. I loved a man, truly I did. When he would touch me, I'd act like a love-hungry kid. Isn't this better? Somebody nice, somebody new, someone who lets me react as I normally do. Isn't this better? Better. Passion is fine, but passion burns fast. Passion's design seems never to last. Better a match, better a blend. Who needs a lover? I need a friend. Now I am calm, safe and serene. Heartache and hurt are no longer a part of the scene. Isn't this better the way it should be? Better for him, better for him. And oh, so much better. Isn't this better? Better. Passion is fine, but passion burns fast. Passion's design seems never to last. Better a match, better a blend. Who needs a lover? I need a friend. Now I am calm, safe and serene. Heartache and hurt are no longer a part of the scene. Isn't this better the way it should be? Better for him. Isn't This Better, une chanson rendue célèbre par Barbra Streisand dans le film Funny Lady. C'était la suite de Funny Girl, la suite de la vie de la star des Ziegfeld Follies, Fanny Brice. Alors pour Cabaret, John Kander et Fred Ebb ont écrit un nombre incalculable de chansons, dont de très nombreuses sont passées à la trappe. C'est le lot des auteurs de comédies musicales. Ils fournissent, et puis certaines chansons ne passent pas la rampe. Rappelez-vous, dans le spectacle, il y a deux couples. Les jeunes, Sally Bowles et un écrivain américain inspiré par Christopher Isherwood. Et puis les personnes âgées, eux, ne pourront pas fuir l'Allemagne nazie. Fräulein Schneider, une logeuse, et puis Herr Schutz, marchand de fruits juifs. Leur mariage sera impossible. Alors dans la version définitive de la comédie musicale, Herr Schutz fait sa déclaration à Fräulein Schneider en lui offrant, rappelez-vous, un ananas. Mais dans une première version, il lui disait tout simplement « Bonsoir ». Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. How are you? Very well, thank you. You look lovely. I do. You look lovely too. Chilly weather. It's the season. Have some fruit. Very well, thank you. All delicious, I guess. Who expected less? Here we have a pear, such a juicy pear. They've been running well this season. Grapes are here as well. Those are muscatel. Such a pretty name. Would you take a plum if I fed you some? Who could want a better reason? Still I have to pass, it would give me gas. Isn't that a shame? An apple then. What's to prevent? Here. That was splendid. Truly splendid. You enjoyed? Very much, thank you. Are we thirsty? Indeed. Schnapps is what we need. Here. Should you nap? Yes, I should. Thank you. Naps are healthful. I know. Doctors tell me. Shh. Frau Kost, how many times must I tell you? You cannot bring those sailors in here. I run a respectable house. Are we ready? Yes, we're ready. Off you go. Very well, thank you. All these lights on the bill. Turn them down, please. I will. Now it's all right. Such a to gossip, you know me. I'm never mean, but that bitch parading around the station was the most revolting sight I've ever seen. But I'd rather cut my tongue out than say so. You know me, I'm never spiteful. You know me, I never whine, but you'll see. She's gonna wear something priceless to outdo the ragged gown that I call mine. But I'd rather boil in acid than say so. And as you know, she is a Hebrew. And her folks were never wed. So who never vicious, you know me. Forever mild, who deny the wonderful reputation I've enjoyed since I was a little child? But that bitch who is back among us, pretending to be a lady, is 50% a gypsy, 50% a Hebrew, 100% a bastard, and 200% a whore. But hear me well, I won't tell, 'cause you know me. Never nosy, and my mouth is always shut. But the men are treating her like a princess, while to me she's only a little slut. And I'm certain she's had a facelift, probably had a couple, surely she's had a nose job, somebody tucked her tummy, certainly had her eyes done, obviously a butt lift, or her ass would be on the floor. But you, ce matin, on découvre des maquettes des chansons rares de John Kender, le compositeur de Cabaret et de Chicago. Et à l'instant, une chanson interprétée par Alix Corey, Barbara Walsh. C'est aussi une maquette, c'est en 2000 que c'est enregistré. Et c'est une chanson passée à la trappe dans The Visit, une des dernières œuvres co-écrites par John Kender avec Fred Ebb. Une chanson pour la méchante de l'histoire, enfin une des méchantes de l'histoire, la femme du maire d'une ville, prête à tout pour devenir riche, même à offrir la tête de l'un des concitoyens de la ville exigé par une femme très riche. The Visit, c'est l'adaptation d'une sombre pièce de théâtre de Friedrich Dürrenmatt et ça raconte la vengeance d'une femme milliardaire qui promet de combler la ville qu'il a vue grandir si la ville lui accorde la tête de son premier amant qu'il avait éconduit. Une comédie musicale qu'on a pu voir à Broadway la saison dernière. Alors cet album, John Kender, Les Trésors Cachés, permet aussi de découvrir des enregistrements des toutes nouvelles comédies musicales auxquelles travaille John Kender depuis la disparition de son parolier. Et par exemple, eh bien, soucieux de revenir à la simplicité, son premier spectacle, The Landing, a été conçu dans une économie de moyens impressionnante. Seulement 4 ou 5 comédiens, un tout petit théâtre, un décor quasi nu, une formation musicale réduite et 3 histoires courtes fantastiques. La première s'intitule, suit un garçon solitaire qui est consolé par un menuisier venu rénover la maison de ses parents. Il lui apprend comment se consoler en observant les étoiles. C'est une chanson qui n'est pas encore sortie en album et qui s'intitule Look Up. John Kander, qui n'élude pas les difficultés, il avait osé adapter en comédie musicale le sombre roman de Manuel Puig sur la dictature en Argentine, Le baiser de la femme araignée. Sa dernière œuvre, sur laquelle il travaille actuellement, s'intitule Kid Victory, et ça parle, eh bien, ça parle de qu'est-ce qui arrive aux enfants qui ont souffert dans leur enfance d'abus sexuels. Et il n'hésite pas à créer des chansons pour des personnages on ne peut plus sombres, comme cette chanson d'un violeur d'enfants intitulée You If Anyone. I love when the sunshine hits you like that. Right across your jaw. Bam. Knocks me out. You, if anyone, should have canyons of joy, oceans and odysseys, butlers with nothing to do. You should have it. You. You, if anyone, should be surfing on fire, fencing with icicles, riding a bull, conquering Waterloo. You should do it. You, dark days, hallways, sharp stones, dry bones, deep freeze, dead trees, I've earned these. But you, if anyone, should have schooners of gold, skippers from Portugal, basements of books, attics of atlases too. You should have it. You. My head really hurts. I know. Can I please have a glass of water? Just plain water? You can have anything you want. You know that. Do you know that? You, if anyone, should have somebody brave, someone who'll fight for you, somebody kind, with an invincible mind, somebody good, somebody new. You should have it, you should have it, you should have him. Should say goodbye so that you, if anyone, can fly. Et pour refermer cette grande affiche, la preuve que John Kander connaît la musique, voici une de ses toutes premières chansons entraînantes à souhait qui s'intitule I Love Music. Mountains I like, the sea I like, and lemon in my morning glass of tea I like. But liking is one thing and loving is another, and I love music. Chenille I like, and Staffordshire that's absolutely real I like. But liking is one thing and loving is another, and I love music. I love a big bass drum, I love a slide trombone, I think the trumpet and the flugelhorn are grand. But if you want to see me happy, really see me happy, put them all together in a big brass band. Diamonds I like and pearls I like, especially on certain pretty girls I like. But liking is one thing and loving is another, and I love music. Honor I like, ideals I like, and knowing how the pride of virtue feels I like. But liking is one thing and loving is another, and I love music. Checkers I like and chess I like, Climbing up the ladder of success I like. But liking is one thing and loving is another. And I love music. I love the piccolo. I love the bass bassoon. I give the xylophone and glockenspiel three cheers. But put them all together, make them play together. And what ensues is always music to my ears. Da, da, da, da, da, da, da. Band. They come from the Newsboys' lodging house, Phil. That's where you'll be living. With me. I will, sir. Yes. Come on, why don't we join them right now? Oh, that would be just fine, sir. I love a big bass drum. I love a slide trombone. I think the trumpet and the flugelhorn are grand. But if you want to see me happy, really see me happy, put them all together in a big brass band. What's lent I like. And every nickel novel you invent I like. But liking is one thing and loving is another. And I love music. I love music. Music is music to my ears. Ce matin, nous avons écouté de l'orge des extraits de cet album que je vous conseille, Les Trésors Cachés de John Kender. C'est paru chez Harbinger Records et vous retrouverez les références sur francemusique.fr. Dans l'actualité des comédies musicales, ne ratez surtout pas, si vous êtes du côté de Lille, le concert de Liz Calloway autour de Stephen Sondheim. Liz Calloway, chanteuse comédienne de Broadway que vous connaissez en France surtout pour les chansons qu'elle a interprétées dans le dessin animé Anastasia, mais elle a débuté sur scène dans les comédies musicales de Sondheim. Elle a interprété Memory sur scène à Broadway dans Cats, et à Lille elle sera accompagnée par l'Orchestre National de Lille, placé sous la direction de David Charles Abel. Deux concerts mercredi et jeudi, et des places à 10€ jeudi si vous utilisez le code Broadway. Tout ça a lieu à l'auditorium du Nouveau Siècle. Liz Calloway qui sera l'invitée de notre prochain concert privé sur la 42e rue, qui chante Sondheim, par exemple cette chanson extraite de son dernier album Passage of Time. Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair, to ruin your sleep, to make you aware of being alive. Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell and give you support, is being alive. Someone you have to let in. Someone whose feelings you spare. Someone who, like it or not, will want you to share a little, a lot, is being alive. Being alive. Someone to crowd you with love. Someone to force you to care. Someone to make you come through, who'll always be there, as frightened as you of being alive. Being alive. Being alive. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody somebody know me too well. Somebody pull me up short and put me through hell and give me support for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me confused. Mock me with praise. Let me be used. Bury my days. But alone is alone. Being Alive, Liz Calloway, qui sera en concert à Lille, à l'Auditorium du Nouveau Siècle, mercredi et jeudi. Vous retrouverez plus d'informations sur francemusique.fr et notez donc notre prochain concert privé. Même si apparemment c'est complet sur maisondelaradio.fr, ça sera avec Liz Calloway, jeudi 10 mars à 19h et ça sera diffusé dans 42e rue. Dimanche 13 mars, sur francemusique.fr, vous retrouverez le podcast, les références des disques diffusés ce matin. Et vous pouvez également, vous le savez, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Adelino Mello, Raphaël Bézikian, Antoine Giraud, Martine Moni, Laurent Vallière. On vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche et on vous retrouve la semaine prochaine. Alors nous serons justement avec Stephen Sondheim, figurez-vous, mais aussi avec Nathalie Dessay. On va parler la semaine prochaine de Passion, la prochaine comédie musicale à l'affiche du Théâtre du Châtelet, mise en scène par Fanny Ardant. D'ailleurs, Passion, c'est Nathalie Dessay que j'ai rencontrée cette semaine durant les répétitions qui en parle le mieux. Bah, c'est comme une comédie musicale, sauf que c'est triste et que ça finit mal. Et qu'on danse pas. Rideau.